Herri Hotsak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak. Arratsaldeon, Sara. Arratsaldeon. Ça va bien? Très bien, merci. En plus, aujourd'hui, tu n'es pas toute seule. Oui, je suis en compagnie. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Arratsaldeon, entzule guztiei, ongi etorriak Antxete Irratiaren sintoniara, ongi etorriak gure kunkara eta herri hotsakera. Donc vous donnez la parole pour présenter les sujets que vous avez préparés pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, on a choisi de vous parler de, encore une fois, de politique, et notamment de la montée de l'extrême droite en France, avec les bouleversements qui se passent en ce moment au Maghreb. Et ensuite, on finira l'émission sur la présentation d'un livre que Sylvie a lu il n'y a pas très longtemps et dont elle voulait nous faire part. Mais c'est très bien, tout ça pendant une heure ici à Antxete Irratia, à gure kunka. Alors aujourd'hui, donc, on ne sera pas trop de deux pour aborder la thématique des migrants via la montée de l'extrême droite en France qui pose actuellement de très nombreuses questions. Et cette poussée de l'extrême droite s'est concrétisée le week-end dernier par un sondage qui plaçait la candidate du Front National, donc le parti d'extrême droite français, en tête à l'issue du premier tour des élections présidentielles de 2012 avec pas loin de 24% des intentions de vote. Donc cette nouvelle percée frontiste n'est pas un hasard et elle est le résultat d'une banalisation de la xénophobie exacerbée par les différents gouvernements depuis bientôt 7 ans à travers une stigmatisation de l'étranger et plus particulièrement des migrants. Donc Sylvie, tu t'es amusée à décortiquer un peu l'allocution du président Sarkozy du 27 février 2010, dernier, 2011, pardon, sur les bouleversements actuels au Maghreb, et je te laisse un peu nous présenter le résultat de tes recherches. Je me suis livrée à un exercice assez amusant, c'est-à-dire que j'ai en effet décortiqué ce texte pour analyser un petit peu la terminologie utilisée par le président Sarkozy, ou plutôt celui qui écrit ces textes. Et je voulais souligner deux passages complètement différents, c'est-à-dire que j'ai souligné d'une façon les passages positifs, humanistes, et en parallèle, d'une autre couleur, j'ai souligné tout ce qui était de la terminologie de la peur, de la sécurité, de l'islam, etc. Alors, ce qui est très intéressant, deux choses, c'est que le bloc, les deux blocs sur le passage plutôt positif et très gentil, font partie de paragraphes différents. Alors que le vocabulaire de la peur est en entrefilé dans chacun des paragraphes, c'est-à-dire qu'il revient sans arrêt. Exemple, je vous lis le passage le plus intéressant sur le côté très humaniste de M. Sarkozy. Ce changement, il parle bien sûr du changement au Maghreb. Ce changement est historique. Nous ne devons pas en avoir peur. Il porte en lui une formidable espérance car il s'est accompli au nom des valeurs qui nous sont les plus chères, celles des droits de l'homme et de la démocratie. Pour la première fois dans l'histoire, elles peuvent triompher sur toutes les rives de la Méditerranée. Nous ne devons avoir qu'un seul but, accompagner, soutenir, aider les peuples qui ont choisi d'être libres. Ce sont presque des mots que nous employons à la CIMAD. Par contre, dans le reste du texte, alors, on a, au début, apparaissent aux yeux de tous comme des remparts contre l'extrémisme religieux, le fondamentalisme et le terrorisme. Plus loin, incertains, sombrés dans la violence, débouchés sur des dictatures pires encore que les précédentes. De telles tragédies sur des flux migratoires devenus incontrôlables et sur le terrorisme, etc., etc. Ça, c'était très intéressant, j'ai trouvé, la façon dont, à chaque fois, il nous distille par petites phrases, par mots, par expressions, toujours ce même vocabulaire sécuritaire. Donc, en résumé, on peut dire qu'à travers un discours d'ouverture, se profile en filigrane une véritable heuristique de la peur à destination des Français, propre à entretenir ce climat xénophobe et d'insécurité qui est le terreau séculaire en fait de toutes les extrêmes droites en France mais partout dans le monde. Et c'est justement ce climat entretenu quotidiennement qui a permis d'ôter toute inhibition dans les discours au sein du parti majoritaire. Le dernier exemple en date est la déclaration avant-hier d'une députée jusqu'alors inconnue en proposant devant les caméras une solution concrète, et là j'emploie à dessein ces termes, solution concrète à la soi-disante déferlante migratoire venant du continent africain. Oui, tu te souviens ce qu'elle a dit, ce serait de remettre en fait tous ces migrants, ces réfugiés, je ne sais même plus quel terme elle a utilisé, si elle a utilisé un terme, dans les bateaux. Alors, si nous avons opté aujourd'hui pour une présentation de la situation politique actuelle en France face à la montée de l'extrême droite, c'est que comme beaucoup de personnes, le manque d'empressement des autorités françaises et plus largement européennes face au bouleversement inédit que le Maghreb connaît à l'heure actuelle nous a énormément choqués et continue d'ailleurs à nous interpeller. Pardon. Quand on connaît le sort réservé à ces jeunes qui sont venus chercher un peu de répit sur les rives nord de la Méditerranée en attendant un retour au calme dans leur pays. Alors, pour parler de ce peu d'empressement de la France au départ, je voulais juste vous faire part de quelques lignes lues dans un hebdomadaire, Jeune Afrique, à propos du bug diplomatique de la France. Donc, c'est un article sur la Tunisie, hein, bien sûr, et où l'on parle des 4 semaines, qu'il a fallu en fait près de 4 semaines après la chute de Ben Ali. Ni le Quai d'Orsay, ni la cellule diplomatique de l'Élysée n'avaient dépêché un émissaire à Tunis pour tâter le pouls de la révolution. Entre nos deux pays, entre nos deux peuples, la géographie et l'histoire ont tissé des liens exceptionnels. S'émouvait pourtant Nicolas Sarkozy lors d'un dîner d'État au palais de Carthage en avril 2008. À l'époque, le président français n'hésitait pas à citer Flaubert. Le climat est si doux en Tunisie que l'on oublie d'y mourir. Très jolie formule. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce manque d'empressement français avec son corollaire au niveau européen via un véritable chantage migratoire utilisé par le régime libyen actuellement, qui montre à quel point l'Union européenne compte sur les régimes dictatoriaux des rives de la Méditerranée pour conduire sa politique migratoire. En effet, aujourd'hui, la Libye est un pays clé du dispositif de blocage des migrants hors des frontières de l'Union. Et ces jours-ci, le régime de Kadhafi ne s'est pas privé de jouer de cette situation pour intimer à l'Union européenne de ne pas soutenir les manifestations. Alors, peu importe les atteintes aux droits de l'homme et l'absence totale de démocratie, le contrôle des frontières reste une des bases principales sur laquelle l'Union européenne établit le dialogue avec les pays qui l'entourent. Et cette politique de soi-disant stabilité est mise à mal depuis quelques semaines par les révoltes dans tout le monde arabe. Aux violations quotidiennes des droits des migrants sur lesquelles l'Union ferme les yeux allègrement, s'ajoute désormais un silence complice, alors que se met en place un mouvement populaire qui pourrait déstabiliser le régime libyen, devenu garde-frontière de l'Europe à coup de grands renforts pécuniers. D'ailleurs, cette inertie a conduit diverses organisations, associations, ONG, partis politiques ou encore syndicats, diverses associations européennes et marocaines à signer un appel à destination des instances européennes afin de leur rappeler leur engagement, notamment par un dispositif de protection temporaire qui a été créé en 2001. Pour les ressortissants, d'États qui, victimes de catastrophes naturelles, de troubles politiques dans leur pays ou de conflits armés, auraient besoin en urgence de trouver un abri en Europe. Mais, s'étant pressé d'indiquer la Commission européenne, à l'heure actuelle, il n'y a pas de flux de réfugiés en provenance de Libye. Alors que, dans le même temps, la Commission européenne envoie des patrouilles sur ses frontières maritimes pour empêcher les réfugiés potentiels, assimilés à des migrants clandestins et à de supposés délinquants, pour les empêcher de traverser la Méditerranée. Et pendant ce temps, la situation s'aggrave de jour en jour en Libye et à ses frontières. En Tunisie, où affluent des dizaines de milliers de réfugiés, le dispositif d'aide est saturé, malgré tous les efforts déployés par les autorités locales et les ONG présentes dans la région. L'Europe ne peut pas continuer à faire comme si elle n'était pas concernée par le sort des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui ont besoin de protection dans les pays actuellement troublés, ni par celui des migrants originaires des divers autres pays arabes, africains ou asiatiques qui y résident. J'ai à l'esprit la situation de ressortissants chinois qui se sont retrouvés plus ou moins coincés en Tunisie au moment des émeutes, où la Chine, arguant de manque de moyens, n'a pu les rapatrier. Et ce sont des navires grecs qui sont venus donc rapatrier ces ressortissants chinois pour les débarquer ensuite à Chypre et pour qu'ils soient enfin pris en charge par leur ambassade. Il n'y a pas si longtemps, l'Europe se targuait de déployer une politique Europe méditerranéenne. Et aujourd'hui, on se demande où est passée cette ambition. Aurait-elle volé en éclats au moment même où plusieurs des nations potentiellement partenaires de cette Euro méditerranée sont en voie de devenir des démocraties? Et alors que des mesures d'urgence s'imposent et pourraient facilement être concrétisées? Alors, en tant que mesure, certaines ont déjà été prises, d'évacuer déjà certaines personnes qui voulaient partir de Libye. Il reste encore à mettre en pratique l'accueil sur le territoire européen des réfugiés qui ne peuvent rentrer dans leur pays. Mettre en œuvre sans plus attendre un dispositif permettant d'accorder la protection temporaire à tous ceux qui, dans la situation d'urgence où nous sommes, peuvent légitimement s'en prévaloir. Et mettre un terme aux patrouilles de Frontex. Alors Frontex, c'est l'agence européenne de protection des frontières de l'Union européenne, qui est financée par l'Union. Ces patrouilles, il faut qu'elles s'arrêtent, qu'elles empêchent l'arrivée des réfugiés par la mer. Alors ce que je pense vraiment là, c'est qu'il faut cesser absolument de nourrir cette peur des populations européennes en brandissant systématiquement le spectre de l'invasion. Il faut cesser de considérer comme une priorité d'empêcher les migrations en provenance des territoires troublés. Il faut enfin cesser cet égoïsme criminel. Nous voulons une Europe de la solidarité et de l'accueil. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvie, et c'est d'ailleurs important de rappeler de la nécessité d'accueillir ces personnes. car à l'heure actuelle, et ce depuis le 14 février, les centres de rétention du sud de la France, comme à Nice, Marseille ou Nîmes, reçoivent tous les jours des Tunisiens arrêtés en provenance d'Italie. Bien, je vais profiter de la pause musicale pour faire une petite traduction. Ba, gaurkoan eskuin muturreko igoeraz hitz egiten ari dugu. Joan den astean inkesta batean Front Populaire delakoa agertzen zen 2012ko hauteskundeen garaile bezala. Eta honen arira eta honen arrazoiak bilatzeko, ba zarkoz diren diskurtso baten analisia egin digute Zagak eta Silvik. Eta bertan argi eta garbi azaltzen da beldurra eta segurtasun ezaren diskurtsoa haren erabilera. Migranteen kontrako diskurtsoak politikari hauen hitzetan agertzen dira etengabean baitare. Marvel Comics renaissait toujours de leur cendre comme le Phénix Captain America plus fort que les Eta gero Libiara jungera, honen herrialde honen egoeraz hitz egiten genuen, batez ere bertako gobernuak jokatu duen paper garrantzitsuarengatik mugen kontrolari dagokionez. J'ai appris à écrire loin des bancs de l'école, à l'heure des cours de français, j'étais sur le terrain de basketball. On rêvait tous de s'appeler Michael Jordan, on y croyait dur comme fer. I believe I can fly. Derrière chez moi chaque soir, c'était la coupe du monde. France, Algérie, Clandos, reste du monde. Des matchs de foot. Eta Antxeta irratian gaude gure kunka saioan. On jouait là au milieu des blocs, là-haut à leur fenêtre nos supporters de choc. Au début, les voisins trouvaient ça sympathique. 3 heures et 3 carreaux cassés plus tard, ils appelaient les flics. Rien n'a changé depuis le jour où j'ai su parler. Maman s'il te plaît, mais moi bon vieux pas parler. Rien n'a changé depuis l'époque de la One Love Nation. Peace, unity, love and having fun. Qu'un jour le hip-hop débarque sur notre planète. Aroub et tous les mômes de mon âge sont tombés sur la tête. Breakdance Thomas, moi je dansais comme un robot. Grande gueule, petit bras, j'ai plutôt choisi le micro. Raconter des histoires, c'est tout ce que je savais faire. Sur le devant de la scène, je kiffais à me la jouer gangster. Debate pote. Gai sozialen inguruko eztabaida informala. Bi asteazkenetik behin, seietatik aurrera, La Casita Gaztetxean. Martxoak 9, osasun politikak eta kontrol soziala. Martxoak 23, botere erlazioak. Martxoaren 19, arratsaldeko 4:30, Kafe Tertulia Miguel Amorosekin. Abiadura handiko trena eta lurraldearen suntxiketa. Tren eremu berriari kritika. Herri xorgine galariari. Maitasune. Udalak ukatzen digun eztabaida guk eskaintzen dizugu La Casita Gaztetxean. Gogoratu martxoaren 19, arratsaldeko 4:30, Kafe eta pastak Miguel Amorosekin. Sorginen kanta kantari, orain zineak laminari. Euroagindurik ez. Irati, Iker eta Xabi gose greban eskubide zibil eta politikoen alde. Martxoak 14, astelenarekin, zuzenezko irratsaio berezia gose greba burutzen ari diren tokitik, arratsaldeko ordubietatik 3 arte. Irati, Iker eta Xabirekin solastu eta hainbat pertsonen iritziak jasoko ditugu. Euroagindurik ez. Antxeta irratia. Alors, comme je disais avant la page de musique, alors qu'il serait nécessaire d'accueillir donc ces personnes qui fuient des pays va dire, qui connaissent de fortes turbulences, la France n'a rien trouvé de mieux qu'à les placer en centre de rétention. Et il est d'ailleurs fort regrettable que la seule réponse apportée à ces migrants qui viennent de traverser une crise majeure dans leur pays soit une arrestation, un enfermement et même une expulsion vers leur pays d'origine, la Tunisie ou l'Égypte ou encore la Libye. La réponse des autorités françaises est d'autant plus irrespectueuse des individus concernés que la police et l'administration cumulent les atteintes à leurs droits. Et c'est au total mépris du droit communautaire qui érige le principe de la libre circulation entre la France et l'Italie, pays où la plupart de ces migrants arrivent. Et sans doute avez-vous entendu parler de l'île de Lampedusa qui se trouve donc au sud de l'Italie, à peine une centaine de kilomètres des côtes libyennes. Donc, libre circulation entre la France et l'Italie, des contrôles à la frontière franco-italienne et dans les gares environnantes, donc Menton, Nice, sont régulièrement organisés. Ces contrôles abusifs ont même conduit certains services de police à produire des notes internes incitant à la mise en œuvre de ces contrôles qui sont illégaux car discriminatoires, la plupart du temps étant opérés sur des contrôles au faciès. Il est clair que les autorités françaises font à nouveau le choix d'une réponse répressive face à l'arrivée de migrants ayant quitté des pays en crise. Ce fut déjà le cas pour les Kurdes de Syrie arrivés en Corse pour demander asile en janvier 2010 de l'année dernière. Et de nouveau, c'est le cas donc pour ces Tunisiens, ces Égyptiens et ces Libyens qui cherchent simplement à trouver un peu de répit. Or, cette réponse est clairement inadaptée. Dans le respect de nos valeurs et en soutien à l'élan démocratique qui soulève les pays arabes, comme l'a si justement rappelé M. Sarkozy dans son allocution dont on vous a parlé au début de cette émission, l'accueil, la solidarité, le respect des individus et de leurs droits doivent rester des impératifs absolus. Et pourtant, une autre approche est possible. Sylvie, tu as trouvé en égrenant la presse un exemple d'attitude positive face à cette situation proposée par l'Espagne. Tout à fait. En effet, une autre approche est possible. Je vais juste résumer très brièvement un article de El País qui a été repris par Le Monde, Courrier International, The Guardian, Independent, etc. Hein, ça a fait vraiment le tour, surtout en Europe. Félicitant en fait le premier chef de gouvernement européen à s'être rendu dans la Tunisie post-Ben Ali, car ça a été en effet José Luis Rodríguez Zapatero, excusez mon accent. Le président du gouvernement espagnol a en effet voulu marquer, et cela dès le mercredi 2 mars, la solidarité de l'Espagne et de l'Europe avec le mouvement de démocratisation en cours dans le monde arabe. Il l'a fait sans forfanterie, en prononçant les mots qu'il fallait. Nous sommes là pour écouter et aider à construire un avenir fait de démocratie, de liberté et de dignité. Rien là qui ne ressemble à de l'ingérence, à une vision angélique de l'avenir, ou même à une posture de donneur de leçons. Il a en fait utilisé le ton et les mots adéquats. Il faut donc remercier M. Zapatero au nom de l'Europe. Il a là comblé un vide. Et comme l'a écrit si justement un de mes collègues travaillant au centre de rétention de Nîmes et qui est donc en contact quotidien avec ces migrants, ces Tunisiens et ces Égyptiens arrivant en France via l'Italie. Donc il a écrit ici justement « Ce n'est pas la misère du monde qui s'échoue à Lampedusa en ce moment, mais bien son avenir. » Eren joves estudiant, vivien despreocupats, jovent que no pensava en cap perill ni en cap hostilitat. Places, carrers i mercats es van veure arrebatats. Balibia zari ziren gaurko saioan ari direnak, eta herriolde honen egoera dena izan da, bertatik ateratzen jendia hartu ordez, ba kontrakoan gertatzen da, eta kontrakoa gertatzen da, eta errepresioa da onera jatzen direnean jasotzen dutena bertatik atera direnak. Beraz hitz politak, baina ekintza batez dutena egiten. Asparan un nou combat, amics i coneguts morts al costat, no sé si em tocarà. Oh, oh, guerres d'obé, joves sense pretensió. Migrazioen aurkako politiketaz, eskubiko politiketaz eta itzeiten ari dugu gaurkoan hemen Antxeta Irratian, gure kunkan herri hotxaken 89.7 FM eta 90.5 FM. No hi haurà més combats, pel patiment no ha acabat, ja que a casa no han tornat presoners esclavitzats o en camps empresonats. La guerra deixa emprentes dins els cors i també mal records. Alors, pour rester dans le thème solidaire ici et là-bas, Sylvie, tu as souhaité nous parler d'un livre qui t'a beaucoup touchée, pour ne pas dire bouleversée, en raison des révélations figurant dans ces pages. L'auteur, alors je pense que je vais très mal le prononcer, je suis désolée, l'auteur Malala Idioya est une des 68 députées féminines élues à l'âge de 27 ans à la chambre basse du Parlement afghan. Et dans son dernier ouvrage « Au nom de mon peuple », elle dresse un plaidoyer assassin sur la situation actuelle de son pays. En effet, Sarah, plus qu'un plaidoyer, un cri d'alarme contre le rôle des seigneurs de la guerre, warlords, hein, ça vient de ce mot-là en anglais, et de l'ingérence des puissances étrangères, avant et maintenant, depuis 30-35 ans. Elle se bat becs et ongles et s'insurge contre les trafics en tout genre et la corruption, ainsi que les violations des droits des femmes, surtout. Elle donne beaucoup d'exemples désespérants. Elle a commencé toute jeune, puisqu'elle s'est retrouvée à l'âge de 4 ans dans des camps de réfugiés afghans du côté iranien. Et en fait, elle a abandonné très tôt ses études, alors que c'est une femme brillante, pour pouvoir aller aider dans ces camps les jeunes filles et les éduquer. En donnant des cours dans des camps de réfugiés, donc. Elle a été surnommée, depuis son élection, la femme la plus courageuse d'Afghanistan. Dans ce livre, vous y découvrirez son parcours et son combat pour la démocratie. Ainsi, elle continue à sillonner le monde, invitée par de nombreux pays lors de conférences ou de présentations ou de récompenses. Elle était d'ailleurs à San Sebastian l'année dernière. Elle ne rate aucune occasion d'exprimer sa colère contre la guerre de la coalition, contre les bombes de l'OTAN qui tuent des civils. C'est encore arrivé la semaine dernière, c'était un petit entrefilé dans une radio nationale. Et contre l'appel à la réconciliation avec les talibans et les seigneurs de guerre. Un choc pour moi aussi a été de découvrir qu'elle met dans le même panier l'Alliance du Nord et son commandant mythique, Massoud. Elle accuse d'ailleurs la France et ses journalistes et ses intellectuels d'en avoir fait un véritable héros. J'en suis d'ailleurs la première victime. Le 20 mai 2007, Malala Joya a été exclue du Parlement après avoir prononcé à la télévision les mots suivants à propos de l'Assemblée des députés. Dans une étable, il y a des vaches qui donnent du lait et des ânes qui portent des fardeaux. Mais eux, ils sont pires que ces vaches et ces ânes. Ils sont comme des dragons. Elle avait en effet tenu à s'exprimer à la télévision nationale car au Parlement, on lui coupait le micro, tout à fait dans l'illégalité d'ailleurs. Elle n'a donc jamais pu s'exprimer au Parlement, alors qu'elle a été élue dans sa province du Fara à une majorité écrasante par les femmes, mais aussi par les hommes de cette province. Malgré de nombreuses protestations dans le monde, cette suspension est à ce jour toujours en vigueur. Elle parsème son histoire de dictons afghans, de citations ou de déclarations tonitruantes. Une de ses citations la plus frappante, « Je ne crains pas la mort, mais je crains le silence devant l'injustice. » Je pense que ces mots ont une résonance en ce moment dans le monde arabe, surtout en Libye. Aussi, après une cinquième tentative d'assassinat sur sa personne, elle déclare « Ils me tueront, mais ils ne tueront pas ma voix, car elle sera la voix de tous les Afghans. On peut couper la fleur, mais on ne peut rien contre le retour du printemps. » Encore actuelle cette phrase qui fait sourire le printemps arabe, qui s'est d'ailleurs plutôt passé en hiver. Elle ose aussi s'attaquer aux Moudjahidjin, les anciens combattants contre les soviétiques, et n'hésite pas à les reprendre et à corriger leurs déclarations. Lorsque, par exemple, lors d'un débat télévisé, l'un d'eux disait avoir combattu les Russes pour l'islam. « Ah non, rectifia-t-elle, nous combattions les Russes pour la liberté. » C'est un livre simple à lire, mais une mine d'informations sur un pays et son histoire compliquée, mais surtout sur une population fière et, comme partout dans le monde, qui n'aspire qu'à une chose, vivre librement et décemment. Pour elle, son cri du cœur, la seule solution, c'est que tout étranger parte. Elle demande à chaque citoyen dans le monde de l'aider. Faites cesser les massacres dans mon pays. Faites retirer les troupes étrangères pour que s'arrête la talibanisation. Elle va même plus loin. Tant que les Américains et leurs alliés, dont nous les Français, bien sûr, resteront sur ce territoire, la démocratie restera impossible. De nombreuses voix et pétitions ont été faites par Naomi Klein, Noam Chomsky, d'anciens Nobel de la paix. Elle est d'ailleurs souvent comparée aux femmes qui ont reçu ce prix Nobel de la paix. On l'appelle Aung San Suu Kyi, la fameuse dame de Birmanie, ou Burma en anglais, Shirin Ebadi, Rigoberta Menchú Tun, Wangari Maathai, etc. Toutes ces femmes se sont mobilisées pour l'aider. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez voir le reste de la liste de récompenses et de médailles et de nominations qu'elle a eues sur son site Malalai, MALALAIJOYA.com. Une liste de récompenses, le nommé au prix Nobel 2005, le aussi en 2007 nommé, et elle a eu la récompense du World Economic Forum, des jeunes leaders du monde. Surtout, elle a obtenu en 2008 le prix d'Amnesty International pour son engagement et le prix Anna Politkovskaya à Londres, prix donné aux femmes qui luttent au péril de leur vie pour les droits de l'homme et de la femme. Elle passe souvent en Italie, en Espagne, aux USA, au Canada, en Australie, aux Pays-Bas, en Angleterre. Alors pourquoi si peu en France ? Qui dérange-t-elle ? Voilà. Ensuite, je voulais dire, juste pour conclure, que dans le climat actuel et avec les mots qui sont jetés en pâture, à chaque échéance électorale, depuis des années, il est essentiel d'opposer connaissance, compréhension, découverte et ignorance contre l'ignorance et la xénophobie. La lecture, pour moi, est un moyen de connaître l'autre, l'étranger. Aussi, il faut comprendre à quel point nos actions ici ont un impact là-bas. Donc, ce dernier livre que j'ai lu sur l'Afghanistan fait le lien entre nos actions, nos bombes, nos guerres et l'exode et l'immigration. De plus, il est écrit par une femme et nous venons juste de connaître la journée de la femme. Et c'est une jeune, elle n'a encore que 31 ans. Ce sont des jeunes en ce moment qui montrent le chemin, qui se révoltent et qui en ont assez de ne pouvoir vivre décemment et librement dans leur pays. Nous faisons en France comme si cette guerre n'était pas la nôtre. on s'offusque de la présence des Américains qui, une fois de plus, bombardent des civils. Mais nous oublions trop facilement, et de façon très égoïste, que nous faisons partie intégrante de cette alliance, de cette coalition. Nous soutenons un régime corrompu et criminel. Et un exemple de ça, c'est que pas plus tard, pour revenir sur cette fameuse allocution du 27 février de notre président, M. Sarkozy, il a annoncé un nouveau ministre aux Affaires étrangères et un nouveau ministre à la Défense, donc deux ministères concernés par l'Afghanistan. Et que dit-il alors que nous sommes en guerre ? Rien. Réaction de l'opposition sur l'Afghanistan ? Pas grand-chose, on s'en soucie guère. Personnellement, je n'ai entendu qu'une seule voix. Il y en a certainement eu d'autres. Mais personnellement, je n'ai entendu que la voix de M. Fabius, ancien ministre d'un gouvernement socialiste, et Premier ministre aussi, je crois, d'ailleurs, qui a dit ce que j'ai pensé sans ambiguïté après avoir refermé ce livre. « Partons d'Afghanistan maintenant. Je suis sûre que vous penserez la même chose après avoir lu ce livre. » Liburu baten gomendioa geneukan azken parte honetan, Malalai Joya idatzitako liburua eta Nere herriaren izenean deitutako liburua. Emakume hau, idazle hau, Afganistaneko parlamentuan dagon emakume gaztea da, bertan, liburuan, bere ibilbidea eta bere demokraziaren aldeko borroka kontatzen du. Afganistaneko egoeraz eta oso kritika sakonak egiten dituen liburua, beraz Nere herriaren izenean Malalai Joya idatzitakoa. Eta horrengo minutuetan, ba, herri hontako musikarekin uzten zaituztegu, Afganistaneko musikarekin nahi zuzen. Shabbat Pache Reyes. Zinema ziklo kulturan hitza. La Kasita gaztetxean, ostegunero zazpiterdietatik aurrera, adiskidetuak guztion artean, AEKA, ZIMAT, Bilgune Feminista eta Antxeta Irratiak, hainbat pelikula eskainiko dizkigute kulturen arteko erlazioa eta elkarlana bultzatzeko. Ostegunero zazpiterdietatik aurrera, zinema kulturan hitza La Kasita gaztetxean. Et puisque j'ai mis la pub du cinéma multiculturel, peut-être Sarah, on peut prendre, je vous coupe une minute, mais je vous coupe pour te donner la parole parce que la semaine prochaine c'est la CIMAD qui propose le film du cinéma multiculturel de La Kasita. Tout à fait. Donc à 19h30, on passera un film qui s'appelle Welcome. Et donc qui est l'histoire, alors je ne sais pas si en Espagne les gens sont tellement au courant de ça, mais c'est en fait une fiction sur un fait réel qui se passe dans le nord de la France, dans la région de Calais. Donc Calais qui est en fait la porte d'entrée en Angleterre, et là où il y a tous les contrôles aux frontières des camions. Et à cet endroit-là, il y a une énorme concentration de migrants, notamment d'Afghans, d'Iraniens, qui se retrouvent bloqués et qui sont donc qui errent dans la région dans l'attente de passer en Angleterre. Alors c'est là encore, ça rejoint notre laïus d'aujourd'hui. Il y a une complète criminalisation de ces migrants. Une véritable chasse aux migrants s'est instaurée d'ailleurs là-haut dans le nord. Et c'est donc de ce film qu'on parlera et que vous aurez la chance de voir parce que c'est quand même un très beau film. Donc tous les jeudis à partir de 19h30, BF Cinéma Multiculturel au Gasteche La Kasita. Alors pour terminer, pour poursuivre et terminer sur... sur ce livre donc de Malala et Djoya, on a choisi deux extraits du livre. Alors la première donc sur la condition des femmes en Afghanistan. Donc on va lire un passage du livre. On croit souvent en Occident que l'intolérance, la violence et l'oppression des femmes afghanes ont commencé avec le régime taliban. C'est un mensonge. Encore un rideau de fumée entretenu par les chefs de guerre qui domine le gouvernement prétendument démocratique, soutenu par les Américains, Dermot Karzai. En réalité, certaines des pires atrocités de notre passé récent ont été commises pendant la guerre civile par les hommes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Les femmes et les enfants furent les premières victimes de la guerre civile et celles qui souffrent le plus. Au nom de l'islam, les femmes furent privées de leurs droits les plus fondamentaux. Beaucoup de chefs tribaux fermèrent les portes des écoles aux filles. Ils allèrent jusqu'à interdire le bruit des pas des femmes. Dès le mois de mai 1992, l'ayatollah Asif Morseni, le porte-parole du conseil de gouvernement intérimaire, aujourd'hui un ami proche de Karzai et des Américains à Kaboul, et Sayed Ali Javed, aujourd'hui membre du Parlement, édictèrent un nouvel ensemble de lois régissant la conduite des femmes appelées ordonnance relative au voile. Ce texte proclamait « Quiconque dénie le port du voile est un infidèle. La femme non voilée est une débauchée » et définissait les conditions de port du voile. Premièrement, le voile doit couvrir la totalité du corps. 2. L'habit des femmes ne doit pas être en étoffe fine. 3. L'habit des femmes ne doit comporter ni ornement ni couleur. 4. L'habit des femmes ne doit pas être étroit ni ajusté afin de dissimuler les parties du corps immodestes. Le voile ne doit pas être léger. 5. Les femmes ne doivent pas se parfumer. Une femme parfumée qui passe devant un groupe d'hommes est considérée comme adultère. 6. L'habit des femmes ne doit pas ressembler à l'habit des hommes. De plus, 7. L'habit des femmes musulmanes ne doit pas ressembler à celui des non-musulmanes. 8. Les ornements de pied ne doivent produire aucun son. 9. elles ne doivent pas porter de vêtements sonores. 10. Elles ne doivent pas marcher au milieu de la rue. 11. Elles ne doivent pas sortir de chez elles sans la permission de leur mari. 12. Elles ne doivent pas parler à des étrangers. 13. En cas de nécessité, elles doivent parler à voix basse et s'abstenir de rire. 14. Elles ne doivent pas regarder les étrangers. Et finalement, 15. Elles ne doivent pas se mêler aux étrangers. Enfin, elle termine son ouvrage par un véritable programme de campagne. Et donc, dans le dernier chapitre, qui s'intitule « La longue route qui attend l'Afghanistan », elle dresse en fait un résumé de tout son livre, qui se résumerait en quelques mots. Tout d'abord, mettre fin à la guerre, puis développer une véritable aide humanitaire, mettre fin au règne des chefs de guerre, et enfin, et toujours ce que nous martelons depuis tout à l'heure, et qu'elle n'a de cesse de répéter, le retrait de toutes les troupes étrangères du territoire d'Afghanistan. Argia datorkit ikasitakotik desikastera noanean urkoaren mina barneratzea Urrikaltzen naizenea, bizitza naizela ohartzea. Musikak goratzen gaitu gure arima hilunaren. Amilde gisako malkarretatik. Doinu eder baten kolpe zirrara batez jan. Bihotz beteaz berpizten gara Argia datorkit haur baten begik harbiak antzematean Zu ikustean bihotza goxoki Astoratzen zaidanean, bizitza naizela ohartzean. Musikak goratzen gaitu gure arima hilunaren. Amilde gisako malkarretatik. Doinu eder baten kolpe zirrara bate. Jantzirik bihotz beteaz berpizten gara Argia datorkit osotasunaren parte naizela sentitzean Txorien kantuak entzutea Izarrak begiratzean Bizitza naizela ohartzean Musikak goratzen gaitu gure Arima hilunaren Amilde gisako malkarretatik Doinu eder baten kolpe zirrara batez jantzirik Bihotz beteaz berpizten gara Bihotz beteaz berpizten gara Antxeta irratia .com Luxu eta maitasun hotxak Gonekin erobero Txingurri hotxak Mundu hotxak Gure kunka Azak Herri mugimenduaren ahotsa, Antxeta irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaueko zortzitatik behatzik arte. Herri hotxak, Pausu Mediak ekoiztutako saioak. www.herriotxak.info. Et avant de vous redonner la parole pour ces dernières minutes, je voudrais rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a différentes façons d'écouter Herriotxak. Vous pouvez écouter toutes les émissions sur herriotxak.info ainsi que les interviews que nous faisons au fur et à mesure sur anchetairratia.com et qu'il y a aussi différents moyens pour contacter avec nous. Vous avez le Facebook de Herriotxak où vous pouvez aussi écouter les émissions. Sinon, le numéro de téléphone 05 59 48 36 65 ou le mail ancheta.sociala@gmail.com. Et je vous redonne la parole. Oui, Sylvie, je pense qu'après cette émission, je pourrais te décerner la palme de la revue de presse, parce que tu as encore trouvé un article, un entrefilet sur l'Afghanistan, et je vais te laisser la parole, puisque tu vas nous faire une traduction simultanée d'un article que tu viens de dégoter dans The Guardian Weekly sur la situation des femmes en Afghanistan, des jeunes filles en Afghanistan. Exact, un petit entrefilet dans le Guardian Weekly, donc qui est un hebdomadaire, de celui de la semaine dernière, disant qu'une des histoires qu'on nous ressasse depuis plusieurs années, c'est d'avoir vraiment réussi en Afghanistan à envoyer toutes les petites filles afghanes à l'école. Eh bien, malheureusement, même ce succès, car ça c'en a été un, est maintenant dénoncé par les 16 ONG et associations humanitaires qui sont encore sur place et qui disent que malheureusement, on est en train de faire machine arrière et que ces filles, dans les villages, sont de moins en moins envoyées à l'école. Donc, une preuve de plus que la communauté internationale ne se préoccupe plus du tout du développement, mais continue à tout mettre sur la sécurité et est en fait complètement omnibulée, les Américains en premier bien sûr, par le retrait des troupes et ce calendrier. Voilà. Je te remercie et je vais aller chercher de ce pas une médaille en chocolat pour te la décerner. Merci. Esaten duenez askatasuna lortzen da negarrez aspaldian iritzi ezberdinak dira bata bestearen erruari begira aspaldian iritzi ezberdinak dira bata bestearen erruari begira Eh bien, je pense qu'on finit ici l'émission parce qu'il nous reste plus que quelques minutes. C'est bon. Et peut-être que c'est bien de dire que le CD, la musique qu'on est en train d'écouter, c'est une musique de Pachi Saif et que le disque s'appelle Itxaropena, qui veut dire espoir en basque. Donc, je pense que ça tombe assez bien. Tout à fait sur le thème de l'émission. Oui, et un beau mot. Vraiment un beau mot. Donc merci une fois de plus pour être venu. J'espère que Sylvie sera ici avec nous d'ici deux semaines. Non ? Il faut voir si elle a pris le bug. Le bug, voilà, le bug de la radio. Moi en tout cas je vous dis au revoir parce que j'espère que vous serez là les deux d'ici deux semaines dans le prochain Gure Kunka. Bien sûr, merci. Au revoir. Eta gure entzule guztiei, ba mi esker gurean egoteagatik beste behin ere, bakizute Herriotxak egunero ordubietatik hiruak arte eta zortzietatik bederatziak arte eskualdeko elkarteek egiten duten saioak. Mi esker eta aio. Inork ez du entzun gure kexa, hauxe da gure askatasun eza, erriputa maite dugunez, bizikera sofritu beharrez. Orain maitia joa albeharratu danez, mesedez ezaitez azin igarrez. Erriputa maite dugunez, bizikera sofritu beharrez. Maitia joa albeharratu danez, mesedez ezaitez azin igarrez. Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak.